Maintenant sur le mise en onde, bienvenue chers auditeurs solitaires de la radio Isanganiro à ce journal dont voici d'abord le sommaire. La méthode mère kangourou qui consiste à poser sur la poitrine de la maman un bébé né prématuré ou avec un petit poids diminue sensiblement le décès néonataux et permet une bonne croissance du bébé. Propos de Sandrine Mukeshimana, médecin chef du service néonatologie à l'hôpital de 3e référence d'Ngozi. Elodie, au moment où le monde a célébré ce jeudi la journée mondiale des soins mères kangourous. Les préparatifs au concours national de la 9e année fondamentale vont bon train sur certaines écoles de la mairie de Bujumbura. Mais les directeurs de ces écoles évoquent les retards des écoliers suite au manque de bus de transport en commun, suite à la pénurie répétitive des produits pétroliers. Dans cette édition, nous revenons sur les projets de société des partis politiques qui sont en pleine campagne électorale pour les législatives et les communales. Et ce sera le tour des partis FPI et APDR. Bienvenue à ce journal. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Ouvrons ce journal par la page politique. Mettre en avant les enseignements pour que les gens comprennent comment résoudre leurs difficultés et l'engagement de l'homme politique en ce qui est de la mise en œuvre des projets de développement sont quelques principes que désire mettre en avant le parti FP-INESA en pleine campagne des législatives et des communales. Francis Sirohiro, président du parti FPI, une fois élu député, indique qu'il pourra inciter le gouvernement dans l'augmentation de la production agricole, faire face aux défis de la pénurie du carburant et la flambée des prix des produits de première nécessité. Suivez Francis Sirohiro au micro d'Alexis Dessink. Notre programme s'articule et est conçu d'une façon telle que notre projet de société a 5 principes. C'est d'abord sa vision d'un Burundi prospère, ambitieux et paisible. C'est d'abord la compréhension unanime dans la nation des problèmes qui nous hantent, tels que la rareté des besoins des biens par rapport à nos besoins en tant que peuple. Et troisièmement, ce sont les enseignements qui doivent être mis en avant pour que les gens comprennent qu'on ne résout pas des problèmes en mettant en avant les mêmes difficultés qu'on avait par avant. Comme on le dit souvent, c'est pas les personnes qui ont créé des problèmes qui peuvent les résoudre. Et quatrièmement, c'est l'engagement de l'homme politique nouveau que nous mettons en place. Aujourd'hui, la FPI a mis des hommes et des femmes sur les listes électorales pour que les Burundais comprennent qu'il nous faut de nouvelles valeurs basées sur le Burundi, Bushingana et Bugabo, des valeurs qui peuvent aujourd'hui redonner un nouvel espoir dans l'homme politique qui a confiance dans ce que peut faire son peuple. Ainsi, on ne va pas au cinquième principe où on promet aux gens qu'on va faire des projets parce que le député burundais, ce n'est pas ça son rôle. En effet, ce qu'on ferait, c'est que si la FPI est choisie par la population burundaise pour être majoritaire au Parlement, on ferait une cohabitation avec le président en place qui va jusqu'en 2027 dans la logique de l'empêcher à augmenter de façon excessive le budget de l'État qui augmente chaque fois les impôts des populations et qui malheureusement sont envoyés dans le budget de fonctionnement qui ne vient pas résoudre les problèmes. En tant qu'un parti de droite, spécialisons les gens à comprendre qu'on veut amener le gouvernement du Burundi à faire des budgets qui vont jusqu'à 60% dans l'investissement afin de remorquer notre production à tous les niveaux. Cette production qui amène la logique naturelle des biens qui nous donne à résoudre tous les problèmes qu'on a. Qu'est-ce que vous prévoyez en ce qui concerne les défis actuels, notamment la pénurie du carburant et l'inflation qui atteint déjà à 40%? Nous sommes conscients de la difficulté et comme on l'a dit, ce ne sont pas des députés qui prennent ce genre de décision. La seule chose qu'on ferait, c'est d'être proche proche du gouvernement en l'empêchant d'investir dans des choses qui ne valent pas la peine, notamment dans ce qu'on voit habituellement où ils investissent dans des voyages, dans des missions sans nécessairement un rôle d'augmenter la production burundaise, en faisant en sorte qu'ils diminuent le train de vie du gouvernement en investissant dans la production. C'était Francis Rohero, le président du parti FPI. La justice pour tous, augmentation de l'énergie et l'éducation de qualité sont quelques-uns des programmes prioritaires du parti APDR durant la période de la campagne électorale. Gabriel Ivanzavitonde, président de ce parti politique, indique également que son parti souhaite que dans l'agriculture, les travaux soient faits par les machines tracteurs et que les cultivateurs reçoivent tout le nécessaire pour avoir un bon rendement agricole. Suivez Gabriel Banzavitonde, président du parti APDR. Pour le parti APDR, on a mis à 5 points CIA qu'on a jugé bon qu'une fois réalisé, le Burundi sera béni. Premièrement, c'est l'autosuffisance énergétique ainsi que le développement industriel. On a voulu qu'on aura des barrages électriques, mais aussi d'autres moyens d'électrification, ainsi que plusieurs industries pour lutter contre le chômage et favoriser l'entrepreneuriat au Burundi. Deuxième point, c'est la justice pour tous. On a besoin de la justice équitable et aussi justice indépendance. Troisième point, c'est la santé infantile. On a trouvé qu'aujourd'hui, les chiffres sont alarmants, de trouver qu'il y a la malnutrition au niveau des enfants, ce qui engendre aussi que notre jeunesse est très faible. Quatrième point, c'est l'éducation de qualité. On a voulu que l'éducation burundaise devrait centrer sur un bon programme avec les équipements nécessaires, mais aussi le soutien aux enseignants pour qu'on aura des jeunes intellectuels doués à la matière, capables de développer le pays. Cinquième point, c'est le développement agro-pastoral. On a besoin à l'agriculture moderne, centrée sur la mécanisation, ainsi que tous les kits agricoles devraient être disponibles pour trouver une alimentation, une production adéquate. Ici, on peut citer qu'on va importer des machines, des engrais chimiques, mais aussi construire des barrages d'irrigation un peu partout. Ce programme nous dit que c'est adéquat puisque aujourd'hui le Burundi traverse dans une crise socio-économique qui gâte le pays, qui engloutit le pays, auquel on a besoin que la population ne devrait pas continuer à vivre de cette manière. C'est pourquoi ce programme devrait guider le Burundi afin que le Burundi se quitte dans les pays les plus pauvres, afin de retrouver le Burundi dans les pays développés comme les autres pays. Manque de calibration, l'un des éléments qui manque au pays. Il y a plusieurs éléments qui manquent au pays, surtout depuis que tous les secteurs de la vie nationale, je dirais que sont paralysés. C'est pourquoi le parti APDR est là pour trouver la solution de toute la vie du pays, de tous les secteurs de la vie nationale. Dans ce cas aussi, le calibre sera parmi. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, toutes les routes sont déjà abîmées. Il n'y a pas d'emploi pour établir les routes. Alors, vous voyez les écoles, vous voyez les hôpitaux. Au moment où l'on est en pleine campagne électorale, le parti Congrès national pour la liberté CNL se plaint que la campagne électorale est caractérisée par les actes d'intolérance politique et des menaces contre ses militants dans différents coins du pays. Dans le communiqué sorti ce 16 mai 2025, le porte-parole du CNL parle des violences commises à l'endroit de membres CNL qui battaient la campagne sur les collines de Kanumbu et Nyabibouye en commune Rango de la province Kayanza. Terence Manirambona indique que les militants du parti au pouvoir sont à la tête de cette intolérance politique et demandent l'intervention de la commission électorale nationale indépendante et de toute autre autorité et compétente. Isanganiro, la radio de l'avenir. Page éducation à présent, les préparatifs concours national de la 9e année fondamentale vont bon train sur certaines écoles de la mairie de Bujumbura, au lycée Notre-Dame de Rohero et à l'école indépendante. Visités par nos reporters, les préparatifs sont à 90%. Malgré cela, Les directeurs de ces écoles indiquent que le déplacement reste toujours un défi et qui empêche le bon déroulement de ces préparatifs. Les détails avec Clovis Niyoncourt. Là où nous avons visité, notamment au lycée Notre-Dame-et-Lorero et à l'école indépendante, les candidats au concours national donnant accès aux postes fondamentaux révisaient les cours. Ces élèves indiquent que les préparatifs atteignent une étape satisfaisante. Les profs nous aident beaucoup à résoudre toutes ces petites lacunes dans quelques leçons que nous avons. Il y a 2 semaines environ, presque toute la matière, on a fini ça il y a 2 semaines. Vraiment tout le matériel, le matériel didactique, on a vraiment tout. On a tout pour réussir. André Nanvoquier, directeur de l'école indépendante, confirme que les programmes ont été achevés. Nous sommes presque à l'étape finale. Nous n'attendons que le concours national parce que nous avons eu le temps d'exécuter les programmes conformément au calendrier proposé par le ministère. Et d'ailleurs, nous avons devancé le calendrier du ministère. Nous avons eu le temps de soumettre à nos apprenants beaucoup d'exercices et d'entraînement, beaucoup de tests municipaux, tests diocésains. Je crois que au niveau des préparatifs, grosso modo, nous sommes en avance. On ne s'inquiète pas. Même son de cloche pour Ndaiziga Richard, préfet des études au lycée Notre-Dame-et-Lorero, qui estime que le seul défi lié à ces préparatifs reste le problème de déplacement qui entraîne quelques absences et retard des apprenants comme des enseignants. Donc les difficultés ne manquent pas. Par exemple, les difficultés liées au manque de bus. Il y a des élèves qui habitent dans des quartiers périphériques qui arrivent en retard. Donc ça perturbe les enseignants parce qu'ils ne vont pas au même rythme que les autres. Je tiens à lancer un appel à nos autorités pour qu'ils revoient comment instruire le système d'encadrer les enfants chez eux. Si nous permettent que les enfants restent chez eux et s'enseigner, ça serait mieux parce que ça nous perturbe nos côtés encadrement de ces élèves et aussi côté encadrement de l'établissement en général. La passation de ce concours national donnant accès à l'enseignement post-fondamental est fixée en date du 26 au 28 mai de l'année en cours. Clovis Niyoncourt, Cap sur Ngozi pour parler santé. La méthode de mère kangourou qui consiste à poser sur la poitrine de la maman un bébé né prématuré ou avec un petit poids diminue sensiblement le décès néonato et permet une bonne croissance du bébé. Propos de Sandrine Mokeshimana, médecin chef du service néonatologie à l'hôpital de 3e référence de Ngozi. Elodie, au moment où le monde a célébré jeudi dernier la journée mondiale des soins mère kangourou, docteur Sandrine Mokeshimana conseille aux hôpitaux qui ne pratiquent pas cette méthode d'approcher ceux qui le font déjà en vue d'apprendre, car cette méthode offre plusieurs avantages au bébé et à toute sa famille. Les détails avec Apollinaire Mutsagar. Comme l'explique le docteur Sandrine Mokeshimana, responsable du service néonatologie à l'hôpital autonome d'Ongozi, la méthode consiste à poser la poitrine du bébé tout nu sur la poitrine de sa mère, à mes avantages pour le bébé et même pour sa mère. La méthode kangourou, en plus que ça va aussi permettre une bonne température, ça va stabiliser la température du bébé qui est prématuré. Mais en plus de cette thermorégulation naturelle, la méthode kangourou, comme je l'ai dit, a déjà d'autres avantages. Donc c'est la mère qui a le lien, qui permet l'allaitement, qui va stimuler en permanence le bébé, et le bébé qui allait mourir d'apnée parce que la difficulté respiratoire, parce que le système respiratoire n'est pas mature, ainsi sera stimulé en permanence par sa maman, et ça va permettre que le bébé va rester éveillé, va avoir un bon sommeil. Il n'y a pas de bruit qui va déranger le bébé. Le bébé a un sommeil. Le bébé qui reste calme, qui reste éveillé parce qu'il est continuellement aussi stimulé par sa maman, va permettre une bonne croissance, un bon développement psychomoteur. Ces avantages sont confirmés par des mères trouvées sur place et parmi elles, celles qui ont fréquenté ce service plus d'une fois et qui confirment que les enfants qui sont passés là-bas ont une grande réflexion. Docteur Sandrine Mokeshimana conseille aux autres hôpitaux qui ne l'ont pas encore fait d'apprendre cette méthode et de l'appliquer, car cette méthode avantage et les bébés et même toute la famille. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Dernier dossier de ce journal, une mauvaise cohésion familiale et la pauvreté dans les ménages sont parmi les problèmes auxquels sont confrontés certains parmi les ménages touchés par le changement climatique après que leur maison ait été détruite par des pluies diluviennes, mêlées de vents violents. Ils demandent aux bienfaiteurs de leur venir en aide car ils ont peu de moyens pour survivre. Propos de certaines victimes de catastrophes naturelles ce vendredi lors d'une activité de distribution organisée par la solidarité des femmes burundaises pour le bien-être social et le progrès. Les détails avec Agnès Nambagazé depuis Kirundo. 154 ménages de 9 collines de la commune Kirundo ont été touchés par les catastrophes naturelles du mois d'avril et de mai, comme l'indique Annick Dusenge, représentante de la solidarité des femmes burundaises pour le bien-être social et le progrès dans ses activités, qui indique que cette activité a été organisée dans le but de contribuer dans l'amélioration des conditions de vie de ces personnes en situation d'urgence humanitaire, car le matériel qu'ils utilisaient dans leur ménage a été détruit par la pluie torrentielle. Annick Dusenge indique également que leur organisation prévoit une visite de terrain aux victimes de ces catastrophes naturelles. Les femmes de ces ménages qui ont reçu une assistance de kit non-vivre ont indiqué qu'elles ont entre 3 à 5 enfants et qu'ils font face à la difficulté de les nourrir après les catastrophes naturelles qui les ont laissés dans la précarité car une partie de leur bien a été emportée par cette pluie torrentielle. Ces femmes ont continué à indiquer que cette situation a fait qu'ils vivent dans de mauvaises conditions où ils sont obligés à vivre séparément avec leurs conjoints et les enfants parce que certains ont trouvé un logement dans des communautés différentes et que d'autres préfèrent dormir dans la même chambre avec les enfants plus âgés. Ces femmes craignent que cela puisse conduire à une mauvaise cohésion familiale. Ils demandent aux bienfaiteurs de plaider pour eux car ils ont peu de moyens et les récoltes ont été emportées. L'administration interpelle les couples de ces ménages affectés par ces inondations à continuer à vivre en harmonie en attendant que les bienfaiteurs leur viennent en aide. Depuis Kirundo, Agnès Nambagazé pour la radio Isanganiro. Merci Agnès Nambagazé depuis Kirundo. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Rick Wimana pour sa parfaite collaboration technique. Dans quelques instants, vous aurez droit à la revue de presse. Revue de la presse. Bonjour ou bonsoir, selon votre zone d'écoute. Liste bloquée en mode d'élection caduque. Ils sont nombreux à s'interroger sur la nécessité de maintenir un déshéritage d'accord d'achat, à savoir le mode d'élection des listes bloquées, constate le blogueur du collectif YAG. Ce mode qui ne permet pas aux citoyens d'exercer pleinement son droit ne devait-il pas être abandonné, suggère ce blogueur qui pense à haute voix. Selon lui, maintenant que le pays est supposé avoir trouvé la stabilité, priver le peuple de son droit d'élire directement ses représentants revient à diminuer son droit de contribuer ou d'influencer le destin de sa nation. C'est peut-être pour cela que les parlementaires préfèrent vivre à Bujumbura que près de leurs électeurs, explique-t-il. Mais encore, poursuit ce blogueur du collectif Yaga, si ce sont les formations politiques qui adoubent les candidats, ces derniers seront redevables devant ces formations et non pas devant le peuple. Ce blogueur fait remarquer que c'est comme ça qu'on a des députés qui ne vont à l'hémicycle d'Okigobe que pour lever la main et voter une loi qu'ils n'ont peut-être même pas lue parce que le parti leur a demandé de le faire ainsi. L'histoire retiendra que lorsque 22 députés ont osé défier le parti au pouvoir, ils ont été dégommés, rappelle ce blogueur du collectif Yaga. Après les étudiants de Gitega et de Changuzo, ceux de Bujumbura font de même, faute de leur prébourse, titre Net Presse. En effet, les étudiants du campus de Mutanga, dont la capitale économique est Bujumbura, se lamentent à leur tour. Ils indiquent que depuis plusieurs mois, ils ne reçoivent pas leur pré-bourse. Dans ce contexte, écrit son confrère, il leur est difficile de vivre sans moyens, ce qui pourrait même occasionner un impact négatif sur leur rendement à la faculté. Le problème est beaucoup plus accentué pour ceux qui ne sont pas originaires de la capitale économique Bujumbura et qui n'ont personne à contacter pour déblayer provisoirement leur situation précaire dans laquelle ils se trouvent, fait remarquer ce journal en ligne. D'aucuns suggèrent que, pour que l'université du Burundi retrouve sa rentabilité d'antan, il faudrait rétablir le système d'internat et de restauration pour les étudiants qui fréquente cette institution universitaire, mais d'autres estiment qu'avec la dépréciation de la monnaie et la surpopulation étudiantine, aujourd'hui, l'internat et la restauration sont pratiquement impossibles, souligne Net Press. Revue de la presse. Commune Lugombo, quand l'eau insalubre d'une rivière devient un bien vital, alerte Burundi Echo. En effet, rapporte son confrère, sur la colline Marambo 1, dans la commune Lugombo de la province Cibitoke, l'accès à l'eau potable relève du parcours du combattant. Faute de robinet fonctionnel, les habitants n'ont d'autre choix que de puiser de l'eau de la rivière Nyakagunda, pourtant fortement polluée. Une situation alarmante que la population endure au quotidien, entre résignation et appel pressant aux autorités. Cet hebdomadaire socio-économique conclut que, tant que la rivière Nyakagunda restera son unique recours, cette population restera exposée, vulnérable et oubliée. Et le défi de l'eau à Marambo 1 est plus qu'un simple manque d'infrastructure. C'est une urgence sociale, sanitaire et humaine, martèle son confrère. Affaire Sandra Mohosa, la justice maintient la pression, constate Iwachu. Le deuxième procès en appel de la journaliste Sandra Mohosa a eu lieu ce mercredi 14 mai 2025 dans les enceintes de la prison centrale d'Omimba à cause du manque du carburant pour le transport des détenus, rapporte ce journal qui précise que lors de cette audience, le procureur général près de la cour d'appel de Mukadza, représentant le ministère public, a dans son réquisitoire réclamé le maintien de la peine de 12 ans d'emprisonnement prononcé en première instance à l'encontre de Sandra Mohosa, arguant que la peine initiale était trop courte. L'affaire a été mise en délibéré et le verdict de son second procès en appel est attendu d'ici un mois, soit au plus tard le 14 juin 2025, selon son avocat Maître Prosper Nyoyangana, souligne le journal Iwachu. Cet hebdomadaire rappelle que Sandra Mohosa a été condamnée en première instance à 21 mois de prison ferme pour atteinte à l'intégrité du territoire national et aversion raciale. Fin de cette revue de presse préparée et présentée par l'audio Jean de Dieu Irakoze et Lydie Gahimbale. Restez branchés sur nos ondes. Revue de la presse.